Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un match de foot historique au retentissement étourdissant, France-Algérie en 2001. Près de 40 ans après l'indépendance de l'Algérie, c'est la première fois que les deux équipes se rencontrent en France dans un match amical très attendu. Pour les joueurs algériens, c'est l'occasion de se confronter aux champions du monde et d'Europe, dont Zinedine Zidane, d'origine kabyle, qui a fait aussi la fierté de l'Algérie en 98. Dans l'Hexagone, des milliers de supporters français d'origine algérienne se félicitent de voir jouer sur un même terrain leurs deux équipes de cœur, celle du pays où ils vivent et celle du pays de leurs parents. Retrouvailles et fraternité entre deux peuples, la preuve que les blessures de la colonisation et de la guerre d'indépendance ont bien cicatrisé. Mais comme quoi, en revanche, les leçons de la mystification black-blanc-beurre n'ont pas été retenues, puisqu'en ce 6 octobre 2001, rien ne va se dérouler comme prévu. À la 76e minute du match, le match est subitement arrêté, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le foot, je veux dire le jeu. Notre invité aujourd'hui, Stanislas Frenkel, maître de conférence à la faculté des sports et de l'éducation physique de l'université d'Artois. Il a écrit le livre intitulé « Le football des immigrés, France-Algérie, l'histoire en partage », publié cette année aux éditions Artois Presse Université. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Koum. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Jamais l'Arc de Triomphe n'aura si bien porté son nom. Sous l'œil des géants de l'équipe de France, 1,5 million de personnes hier soir sur les Champs-Élysées, toute une nuit blanche pour voir la vie en bleu. Une telle marée humaine, c'était du jamais vu depuis près d'un demi-siècle, le même drapeau pour tous et à chacun son héros. Faut pas qu'ils oublient que Zidane c'est un Algérien, un Kabyle. Mais dès les premières minutes de fête, Paris s'était déjà choisi un libérateur. Quand on a vécu ça, on peut mourir tranquille, disait Thierry Roland. Oui, l'esprit unique de la Coupe du Monde 98, que la France entière semble partager ce soir du 12 juillet 1998, c'est celui de la fraternité, une valeur clé de la devise de la République française. Black, blanc, beurre devient ainsi le nouvel étendard d'une équipe qui a su faire de sa diversité une force et de son métissage une victoire. Les Bleus sont salués comme l'incarnation de la France plurielle, qui intègre ses rejetons jusqu'à faire d'eux des champions. Comme Marcel Desailly, Fabien Barthez et Zinedine Zidane, les Françaises et les Français marcheront désormais main dans la main, libres, égaux, sœurs et frères. C'est en tout cas l'espoir que la victoire des Bleus fait naître ce 12 juillet 98. Les rêves sont indispensables, mais n'oublions pas qu'ils sont fragiles, écrivait alors l'historien Georges Vigarello dans les pages du Nouvel Observateur. Et de fait, après ce black-blanc-beurre, les violences urbaines ne faiblissent pas, au contraire. 2 ans plus tard, l'équipe de France est devenue championne d'Europe et elle se prépare logiquement à la prochaine Coupe du Monde, qui aura lieu en juin 2002 en Corée du Sud et au Japon. Pour ressouder les troupes avant la compétition, 8 matchs amicaux sont programmés. Contre l'Allemagne, le Japon, l'Espagne, le Portugal, le Danemark, le Chili, l'Australie et l'Algérie. Un choix remarqué, car depuis la création de l'équipe nationale algérienne lors de l'indépendance du pays le 5 juillet 1962, ce pays n'a jamais affronté la France. Et ce choix, au-delà du sport, c'est un choix politique. Car au tournant de l'an 2000, le président Bouteflika et son homologue français Jacques Chirac entendent normaliser les relations entre leurs deux pays. Lors d'une visite officielle à Alger en avril, la ministre des Sports Marie-Georges Buffet, son homologue algérien Abdelmalek Selal et le président de la Fédération française de foot Claude Simonet se mettent d'accord pour inscrire ce France-Algérie au calendrier footballistique. Il s'agit bien de symboliser le renouveau des échanges entre les deux pays, qu'ils soient culturels, sportifs, économiques ou diplomatiques. La colonisation et la guerre ne sont plus qu'un mauvais souvenir. C'est ce que cette rencontre sportive inédite est censée prouver. La couverture médiatique de ce match de la réconciliation, pourtant sans enjeu sportif, puisqu'il s'agit d'un match amical, est exceptionnelle. Sur France Inter, au micro de Stéphane Paoli, le footballeur algérien Mustapha Dalleb, ancien du PSG, se réjouit de la grande fête du football que les deux pays s'apprêtent à vivre ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec Azouz Begag qui nous dit que, au fond, demain soir, c'est plutôt un match de retrouvailles, un match pour le plaisir, qu'un match politique avec un arrière-plan revanchard? Je pense pas, parce que de toute façon le temps a coulé, même si c'est quand même somme toute un match historique. Mais et puis vous savez que le sport sert surtout à rapprocher avant tout les gens de tout bord et puis de toute origine. Et puis je crois que ça sera surtout une grande fête du football, solution et aussi une recherche peut-être pour toute l'immigration qui est là d'avoir une reconnaissance parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses et moi en tant que sportif c'est surtout cela que je voudrais retenir, une grande fête du football. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions, ce serait un attentat selon les médias américains. Un mois avant France-Algérie le 6 octobre 2001, la France assiste à l'effondrement des tours jumelles du World Trade Center sous le choc. Le terrorisme s'installe avec fracas dans les cauchemars de chacun. Et les musulmans de France, que TF1 s'attelle à aller interroger au lendemain de la tragédie, s'inquiètent déjà des amalgames qui pourraient être faits entre islam et islamisme radical. Le plan Ogypirate est intensifié. L'écrivain Michel Houellebecq déclare publiquement que la religion la plus con, c'est quand même l'islam. Tandis que l'Express s'inquiète que Ben Laden ne devienne, je cite, la nouvelle icône des banlieues, le Che des beurs. Mais le match France-Algérie, lui, est maintenu. Et tandis que la date tant attendue du 6 octobre se rapproche, les médias s'interrogent sur l'intégration des Français d'origine algérienne, en leur posant la question fatidique, qui de l'Algérie ou de la France soutiendront-ils lors de ce match? Une décision a priori cornélienne. Tout de même, choisir entre le pays où on étudie, où l'on travaille, où l'on vote, et le pays de sa famille, de ses vacances, de son cœur et de ses racines, pas facile. Les supporters issus de l'immigration algérienne, et les jeunes en premier lieu, sont médiatiquement sommés de choisir leur camp, leur pays, leur identité. Reportage sur le sujet au club de foot de Quetigny, en Côte d'Or, sur France 3. Mehdi, lui, est issu de l'immigration algérienne, il a 15 ans, et quand on lui demande de quel côté son cœur va pencher, sa réponse... Côté de l'Algérie. Ouais. Et ton pronostic? 1-0 pour l'Algérie. 1-0 pour l'Algérie? Ouais. T'es sûr de ton coup? Je pense, ouais. Tu penses qu'il y a une motivation? Pour quelle raison tu penses qu'ils vont gagner? Parce qu'ils sont motivés pour les battre, il y a des tensions, donc je pense qu'ils peuvent les battre. Avec de la motivation. Et puis il y a des bons joueurs quand même. Bah ouais, Ben Madi. Ouais, il y a d'assez bons joueurs. Chez les 17 ans, la famille de Kassim vient elle aussi d'Algérie. Kassim se rendra peut-être au Stade de France samedi soir et pas de doute pour lui, il sait de quel côté va sa préférence. Du côté de l'Algérie. Donne-moi objectivement un pronostic sportif. Bah, la France, ils vont gagner. Combien? Je sais pas, ça dépend du match. C'est-à-dire? 2-3-0. La construction identitaire de certains Français, dont la double culture a été exaltée après la victoire de 98, est ainsi questionnée. Alors que la France va affronter l'Algérie, qu'en sera-t-il de la cohésion nationale? Et parmi les centaines de milliers de Français d'origine algérienne qui vivent en France, il y en a un dont le nom est connu de tous, bien sûr, Zinedine Zidane. Le numéro 10 de l'équipe de France, héros de 98, est sous le feu des projecteurs à la veille de ce match France-Algérie. D'abord, parce qu'il est blessé à la cuisse et qu'il risque de ne pas pouvoir jouer. Ensuite et surtout, parce que ses parents sont originaires de Kabylie, ce qui fait de lui le seul joueur d'extraction algérienne en équipe de France. Alors, chacun veut connaître son ressenti, bien sûr. Son cœur balancera-t-il le 6 octobre? D'abord un peu agacé, il finit par se confier. À l'idée de ce match, il parle d'un pincement au cœur sur TF1 et il avoue presque souhaiter le match nul sur France 2. Je pense qu'il faut au moins que je sois sur la pelouse parce que le papa et la maman aimeraient voir ça, mais au moins un petit peu de temps. Même si ça ne plaira pas à Roger Lemaire, s'il y a bien un match, un jour qu'on doit faire un match nul, je crois que si j'ai à choisir, ça sera bien celui-là. Mais en même temps, l'équipe de France fera tout pour gagner le match. Mais à la fin, s'il y aura un match nul, je ne serai pas trop déçu. Roger Lemaire, dont Zinedine Zidane parle, était le sélectionneur de l'équipe de France à l'époque. En tout cas, les réactions ne se font pas attendre. Malek Bouti, président de OSS Racisme, s'énerve. Il aurait préféré que Zidane professe son amour de la France. Son pincement au cœur quand il joue contre l'Algérie, je m'en fous. Ça sert à rien, déclare-t-il dans le Nouvel Obs. Dans le Figaro, le très droitier Yvan Rioufol pense, quant à lui, regretter le sentiment de double appartenance du champion du monde. On aimerait que Zinedine Zidane se dise clairement, c'est-à-dire uniquement, français. Et tandis qu'on attaque le manque de patriotisme de Zidane, d'autres supporters lui reprochent au contraire de jouer contre l'Algérie. Une semaine avant le match, le commissariat Lucile Molino reçoit une lettre de menace à l'encontre du joueur. L'affaire est classée par la police judiciaire, mais elle fait écho à une note des renseignements généraux rendue publique quelques jours avant le match. Des débordements risquent, dit cette note, de survenir le 6 octobre au Stade de France. La même note parle d'un forçage des entrées par des jeunes sans billets, de supporters envahissant le terrain en cas de score défavorable à l'Algérie, de protestations politiques, notamment pro-palestiniennes et kabyles, et de slogans en soutien à Ben Laden, rien que ça. Mais ni la Fédération française de football, ni le gouvernement, ni même les autorités algériennes ne vont prendre la décision d'annuler le match, pourtant classé à haut risque par le ministère de l'Intérieur. Le 6 octobre 2001, les Bleus affronteront donc l'Algérie au Stade de France pour la première fois de son histoire. Coup d'envoi, 20h45. France-Algérie, la première rencontre, 250 000 demandes, 80 000 places. On craint que quelques déçus ne viennent passer en force. On craint aussi des actions d'islamistes. Deux fois plus de stadiers que d'habitude et 1000 policiers en renfort. Ce sont eux qui fouillent les spectateurs. Ben, c'est à cause des attentats qui se passent. Mais alors, on a un peu visé, mais ça fait rien. Vous n'avez pas eu peur de venir, quand même? Pas du tout. Sinon, on ne vivrait pas. Je suis algérienne, alors si l'Algérie, si les Algériens s'étaient arrêtés de vivre, le terrorisme aurait gagné. Or, pour l'instant, il n'a pas encore gagné, il ne gagnera pas. Hier matin, la police a interpellé quatre personnes, dont Nasseri Mamache. Nasseri Mamache, un islamiste connu, jugé il y a 5 ans dans le procès Chalabi. Mis sur écoute, il aurait parlé de faire quelque chose à l'occasion du match. Alors pour parer à tout attentat, le stade a été minutieusement fouillé. Des patrouilles avec des chiens spécialisés dans les détections d'explosifs l'ont passé au peigne fin. Bref, tout pour que ce match de foot reste d'abord une fête. Les alentours du Stade de France sont placés sous haute surveillance, fait rarissime pour un match amical. À savoir, 1000 policiers, 8 escadrons de gendarmes mobiles et de CRS, 400 stadiers supplémentaires, ainsi que des policiers en civil un peu partout. L'enceinte sportive et ses abords sont quadrillés. Le match France-Algérie doit commencer à 20h45. Mais sur les conseils des organisateurs, c'est dès le début de l'après-midi que les premiers supporters arrivent, dans le calme et en chantant, avant de se soumettre à de longues fouilles. Au fil des heures, la pluie et la présence rigide de milliers d'uniformes positionnés autour du stade va un peu doucher l'enthousiasme de certains. Certes, l'ambiance est bon enfant. Enfin, la patience a ses limites. Et certains s'agacent. Au micro d'Aïda Touiri, par exemple, sur France Inter. Là, ils nous ont dit c'est à 18h qu'ils ouvrent. Et je crois qu'ils nous prennent vraiment pour des manquériens, parce que si c'était Allemagne-France, ils auraient ouvert déjà la porte depuis longtemps. C'est un scandale. Moi, ça fait tout casser 2 heures. Ouais. Mais bon, moi, ça m'ennuie pas l'attente. Hein. Si du moment qu'il pleut plus, ça va. Ce que je peux vous dire, Philippe, c'est que les fouilles sont loin d'être terminées. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas dû avoir trop de problèmes à passer. Je vais évidemment parler de Jean-François Rhin, qui lui doit déjà être à l'intérieur. Et oui, Jean-François, lui, est déjà dans le stade qui doit commencer d'ailleurs à se remplir maintenant. Jean-François, la pluie a cessé. Et le stade se remplit. Oui, écoutez, on va dire que de Dunkerque à Calmann-Racette, ils sont tous là, ou plutôt ils sont en train d'arriver au compte-gouttes. Hein. Fouille oblige, Aïda vous l'a dit, près de 50 000 Algériens de France, d'Algérie, car même le tout Alger a fait le déplacement sur les lignes aériennes nationales, Khalifa Airways ou encore Air Algérie. La mobilisation est générale. Dans l'immédiat, à l'intérieur du stade, on va dire que l'ambiance est plutôt bon enfant, beaucoup de drapeaux couleur blanche et vert, des spectateurs visiblement venus ici pour le plaisir et seulement pour le plaisir, cela étant. On notera tout de même que si à l'extérieur le dispositif policier est impressionnant, à l'intérieur il y a ce soir un stadier pour 60 spectateurs ou presque effectifs, donc là aussi revu à la hausse. 18 000 supporters pour la France, 50 000 pour l'Algérie, c'est l'estimation que donne le journaliste de France Inter, Jean-François Rhin. Dans les tribunes, beaucoup de maillots verts donc, mais aussi des supporters qui ont fait le choix de ne pas choisir. Il y a ici cette femme, un drapeau dans chaque main, là un couple, elle en bleu, lui en vert. Ou encore ce jeune homme, maillot français et drapeau algérien. Mais quand l'équipe d'Algérie entre sur le terrain pour s'échauffer, le doute n'est plus permis. Le stade est globalement acquis au Fennec, surnom donné à l'équipe nationale algérienne. Dans les tribunes, il y a beaucoup de ministres français. Les habituels footeux, mais aussi des figures moins coutumières des stades. Elisabeth Guigou, Ségolène Royal, Jack Lang, Marie-Georges Buffet, Claude Bartolone, Pierre Moscovici, le Premier ministre Lionel Jospin. Ils font très bien semblant de connaître le foot et de l'apprécier. Mais le président de la République, Jacques Chirac, qui craint des retombées de ce match décidément trop politique, est absent. Quel flair! Du côté algérien, on aperçoit le ministre des Sports, mais aussi Moustapha Zitouni et Rachid Metloufi, deux figures du foot français et algérien qui ont joué pour l'équipe de France dans les années 50 avant de rejoindre l'équipe du FLN en 58. Alors qu'en résonnent les premières notes de Kassaman, l'hymne algérien, l'émotion les gagne sans doute. 50 000 personnes chantent d'une seule voix. Certaines supportrices et certains supporters sont solennels, d'autres souriants, d'autres encore bouleversés. Et sous les yeux de Madame Guigou, on va écouter maintenant la Marseillaise en l'honneur de l'équipe de France, championne du monde, championne d'Europe. Après l'hymne algérien, la fanfare de la préfecture de Paris entame la Marseillaise. Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, qui commentent le match sur TF1, ne le notent pas, mais les visages tendus de certains joueurs et de Lionel Jospin en tribune sont parlants. Alors on n'entend pas très bien la télévision, mais l'hymne français est bel et bien sifflé, hué. Puis alors que la composition des équipes est annoncée, c'est bis repetita. À l'exception de Zidane, abondamment applaudi, les noms des joueurs français sont hués par une partie du public du Stade de France. Siffler l'hymne adverse, ça ne se fait pas. Mais au foot, ça se fait parfois. Siffler son propre hymne, en revanche, c'est jamais vu au Stade de France. Alors cet avant-match chahuté commence vraiment à inquiéter certains observateurs. Mais pour les supporters, l'heure est encore à la fête. Tandis que les deux équipes posent avec plaisir pour une photo de famille commune, 11 millions de téléspectateurs attendent avec impatience le coup d'envoi et partagent à distance la frénésie des 78 000 visiteurs présents au Stade de France. Le match est retransmis sur écran géant dans plusieurs villes, notamment en banlieue parisienne, mais aussi dans de nombreux bars, comme ici à Roubaix. France, Algérie. Ce match, Yazid Sadat l'attend depuis 62. Alors pour l'occasion, il a monté avec ses voisins un comité de supporters de l'équipe d'Algérie. Alors, le score ? Le score. Attention, l'Algérie. Hein. Non, non, bien sûr, on est pour l'Algérie. Mais elle perdrait que seulement 1-0. Ah non, non, non, attendez. Non, il ne faut pas. J'ai peur que ça sera plus. Le match commence. Dans la salle, on se motive. On y croit. Mais très vite, c'est le premier but français. 1-0, puis 2-0 et 3-0. Les supporters espèrent maintenant au moins un but pour sauver l'honneur. Tentative. Et but. La douce, souvenir de vacances, des clubs de France, un attaquant se lance, d'Afrique, d'Europe, t'en fous après naissance, Asie, Amérique, ne veulent pas ton absence. Merveille. tes chances. Berlin est amical, une tête qui plante. Le but arrive du ciel, esprit du groupe. Le coq se le réveille. Brasil, queda muy poco tiempo para jugar, porque aquí estamos con Ribery, Ribery que pasa a Diarra, Diarra a Wiltord, Wiltord controla la pelota, pasa a Carlos, Carlos lo controla, recupera a Uzizu, pega un pelotazo en el portero, ¡gol! Les bleus, la tour Eiffel. Joyeux sont les ruelles. Le bleu devient merveille. Ainsi que s'il trouve le cadre, il y a un grand danger. Oui. Si ça passe au-dessus du mur, il y a grand danger. Au-dessus du mur, il y a grand danger. Et il y a grand danger. La but. Superbe but de Belmadi juste avant la mi-temps, d'où la dernière minute. 45e minute. L'Algérie n'est plus menée que 3 buts 1. Ça donne bien sûr de l'intérêt. Il est 21h30 en ce 6 octobre 2001 et la France mène 3-1 contre l'Algérie au Stade de France. Les trois buts français sont de Vincent Candela, Emmanuel Petit et Thierry Henry aux 20e, 31e et 40e minutes. Et c'est Jamel Belmadi, aujourd'hui entraîneur de l'équipe d'Algérie, qui réduit l'écart avec un superbe coup franc pendant le temps additionnel. À la mi-temps, les supporters algériens sont plutôt satisfaits, même si la France domine largement. Parce que les Fennecs ont sauvé l'honneur avec ce joli but, et Zinedine Zidane, l'enfant du pays, a pu jouer, malgré sa blessure à la cuisse. 21h45, le match reprend, sans Zidane, remplacé par Youri Djorkaeff. But de Robert Pires à la 54e minute, l'Algérie n'a plus aucun espoir de gagner, mais le football continue de jouer son rôle dans un stade de France toujours exalté. Les âmes fusionnent, les chants résonnent, et chacun s'oublie dans ce type de fièvre dont le sport a le secret. À la 70e minute, alors que l'attaquant Rafik Saïfi s'apprête à tirer un corner, un supporter algérien donne libre cours à son enthousiasme et traverse le terrain en courant au milieu des joueurs, plus ou moins amusés. Une démonstration de joie extatique, comme le foot en connaît, en France comme ailleurs, et qui ne surprend pas vraiment les commentateurs Thierry Roland et Jean-Michel Larquet qui en ont vu d'autres. Alors qu'un supporter est entré le terrain. Ah oui. Il va faire un petit tour, il va repartir très gentiment dans la tribune. Il ne va pas voir la fin du match. Lui. Oui. Il ne va pas voir la fin du match. C'est intelligent, mais s'il aime le football, il ne verra pas la fin du match. Et il y en a deux autres qui ont fait ça au début du match, et ils n'ont rien vu du match. 6 minutes plus tard, alors que l'Algérie monte dangereusement vers le but de Fabien Barthez, c'est une supportrice qui pénètre sur la pelouse du Stade de France brandissant un drapeau algérien. Alors d'autres suivent, débordant les stadiers, et ils sont bientôt quelques dizaines à enjamber les panneaux publicitaires qui entourent le terrain. On se demande pourquoi les supporters viennent sur le terrain. Il en arrive d'un peu partout, là. Et le match est évidemment arrêté. Oui, bien sûr. Et les joueurs, de façon surprenante, sont restés assez calmes jusqu'à présent. Oui, oui, voilà, ça, je crois que le match est terminé. Certainement terminé. Tout le monde rentre au vestiaire. Maintenant, les CRS rentrent sur le terrain. Et maintenant, évidemment, ça ne se passe plus de la même manière parce que les stadiers étaient plutôt bon enfant. Les gardes du stade, les stadiers, les poursuivent comme ils peuvent, ces supporters. Mais eux entendent profiter au maximum de ce moment de gloire. Alors ils gambadent comme des agneaux dans un pré, heureux de ce qu'ils semblent considérer comme une simple petite provoque. Les joueurs français et algériens, eux, ne savent pas trop s'il faut rire ou s'inquiéter. Elizarazu, concentré, lui, continue de s'échauffer sur le côté. Mais bientôt, les deux équipes rentrent au vestiaire sous le regard médusé de 14 millions de téléspectateurs. apparemment désespérée, la ministre de la Jeunesse et des Sports s'empare du micro du stade pour tenter de raisonner les troubles faits qui, sur la pelouse, eux, semblent bien s'amuser. Je ne sais pas si dans le stade on a tout entendu, donc je vous le répète. Je suis Marie-Georges Buffet, il faut respecter ce match, il faut respecter la joie, tente-t-elle de faire entendre sous les huées. Claude Simonnet, président de la Fédération Française de Football, lui retire alors le micro pour annoncer que le match est arrêté. En bas des tribunes, les CRS commencent à se masser. Et à 23h, le stade est vide. Pour la première fois de leur histoire, les équipes françaises et algériennes ne finiront pas un match officiel. Réaction d'Abdelatif Tasfaout, le capitaine de l'équipe d'Algérie, au micro d'Amar Ben Salem, sur RFI. C'est vraiment dommage parce que c'était quand même une belle fête. Ça se passait bien jusqu'à ce moment-là. Et puis, quelques imbéciles ont tout gâché. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Sincèrement, je suis très déçu parce que j'étais persuadé que c'était un grand moment et que ce serait un grand moment. Malheureusement, comme je dis, le sport a été touché là dans la plus belle chose qu'il puisse... recelé, c'est vraiment dommage. Ce rendez-vous, pourtant, vous l'attendiez quand même avec impatience. C'était la première fois que les deux équipes se rencontraient à un tel niveau. Oui, c'est vrai, c'était un match où il y avait un côté historique, mais c'était surtout les relations qui pouvaient en découler, et puis bien sûr, de pouvoir montrer que l'Algérie avait d'autres possibilités que ce qu'on en disait. Dans les vestiaires, Zidane signe des autographes et se fait photographier avec les joueurs algériens ravis de rencontrer le champion du monde. Mais la fête est gâchée, comme le répètent les joueurs interrogés ce soir-là. Les Français, Marcel Desailly et Robert Pires, les Algériens Rachid Djebaïli, Rafik Saïfi, Rabah Hadjer, sélectionneur de l'équipe algérienne, tous utilisent le même mot, déception. Interviewé par France 2 et par France Inter, ces supporters français d'origine algérienne, eux, tiennent à le rappeler. Sur 80 000 personnes présentes dans le stade, seule une centaine est entrée sur le terrain. Effet de loupe. Vous voulez savoir quoi exactement? Qu'on a la haine, que je suis algérien, que j'ai un peu la honte de voir ce qui se passe parce qu'on est venu voir un match. On connaissait un peu le résultat, on sait que l'équipe algérienne n'est pas assez bonne. On est venu pour la supporter. Ce qu'il faudrait retenir, c'est de ne pas mettre tous les Algériens dans le même sac. Il y a du bon, du mauvais partout. On n'oublie pas qu'en France, il y a l'extrême droite. Qui fait pas du bien aussi. Donc voilà, encore une fois, désolé et on s'excuse de ce qui s'est passé. Ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Ce supporter pressent et craint les amalgames. Car en France, déjà en 2001, certains confondent islam et terrorisme, immigration et délinquance. Certes, le parti de Jean-Marie Le Pen, le Front National, est au plus bas dans les sondages, alors que la présidentielle de 2002 commence dans 6 mois. Mais les thématiques que porte le FN depuis près de 30 ans sont désormais bien ancrées dans le débat politique, y compris au-delà de son parti. L'immigration massive, l'insécurité et les banlieues nourrissent les peurs des électeurs, les stratégies politiques et les discours médiatiques. Au lendemain du match à France-Algérie, beaucoup de journalistes et d'éditorialistes relatent avec plus ou moins de virulence ce qu'ils appellent le gâchis et ceux qui l'ont provoqué. France Info, dans son bulletin d'après-match, raconte la peur provoquée par l'arrivée sur le terrain de plusieurs centaines de jeunes de banlieue, je ne fais que citer, hein, avant d'évoquer des coups. Pourtant, l'envahissement du terrain s'est fait sans violence, ainsi que l'évacuation du stade. Alain Gérard Slama, dans Le Figaro, et Claude Askolovic, dans Le Nouvel Obs, parlent, eux, de sauvageons, un terme utilisé en 1999 par Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Intérieur, pour désigner des délinquants mineurs multirécidivistes. Algériens, immigrés, jeunes de banlieue, délinquants, sauvageons. Voilà la Macédoine médiatique de la pré-France Algérie, à laquelle le journaliste Francis Marotto ajoute « casseur » sur France 2. Quand même, le match a bien sûr laissé un goût amer à tout le monde. C'est clair, notamment à toute cette communauté algérienne qui était venue pour faire la fête. Mais ils ont trahi ces quelques voyous, parce que s'il n'y a pas d'autre terme, qu'on retrouve d'ailleurs dans les manifestations, en fin de manifestation, ils ont trahi les joueurs de l'équipe d'Algérie, ils ont trahi également l'espoir de tout ce peuple algérien. Mais au-delà de tout ça, que l'on chante l'hymne de sa terre natale, c'est normal, on ne siffle pas jamais l'hymne de sa terre d'asile, parce que c'est une question de respect, ce même respect que ces quelques voyous demandent dans des termes un peu virulents. C'est vrai que ça s'est bien terminé, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de blessés graves, mais ce n'est pas grâce à eux. Et eux, en revanche, il va falloir qu'ils apprennent le respect. Le 7 octobre 2001, le lendemain du match France-Algérie, les Américains bombardent l'Afghanistan dans le cadre de la guerre contre le terrorisme déclarée par l'administration Bush après les attentats du 11 septembre. Un contexte international chargé qui va amener le journaliste Marc Jézégabel de Télérama à diviser les musulmans en deux catégories. Une écrasante majorité désemparée par l'islamisme, écrit-il, mais une minorité consentante qui, du Pakistan à l'Indonésie, en passant par nos banlieues, est prête à s'enflammer, là-bas, en brandissant l'effigie du gourou de l'Al-Qaïda, ici, en sifflant la Marseillaise. Les importuns du Stade de France, terroristes en puissance, la boucle des amalgames est bouclée. Et pourquoi sont-ils entrés sur cette pelouse, au fait, le 6 octobre 2001 ? C'est ce que la justice essaie d'établir lors des différentes audiences qui se succèdent jusqu'en février 2002. Parmi les 17 prévenus, il y a Sophia Beleman, 31 ans, la première à être jugée. Parce que c'est elle qui a lancé le mouvement à la 76e minute. Chef d'agence France Télécom à Lyon, footballeuse de haut niveau, elle est algérienne. Comme elle l'explique lors de son procès, si elle a traversé la pelouse, c'est par amour pour son équipe. Et parce que envahir le terrain au foot, ça se fait parfois quand on aime. Un amour qui lui vaudra 7 mois de prison avec sursis, 10 000 francs d'amende et 3 ans d'interdiction de stade. Mohamed, 18 ans, a lui aussi été interpellé par la police. Il raconte sur France 2. En fait, la décision d'y aller, ça fait même pas une fraction de seconde, quoi. Dès que j'ai vu tout le monde y aller, j'y suis allé. C'était sûrement peut-être parce que, en plus, c'était mon premier match de foot, donc peut-être c'était pour m'approcher plus des joueurs, quoi. Pour aller serrer la main, je sais pas, à Zidane ou au capitaine de l'équipe d'Algérie. C'est super grave ce qui s'est passé parce que, quand même, ça fait des trucs qui sont. Je sais pas, ça prend une autre échelle, c'est pas. Même si c'est la gravité en elle-même, le fait de courir sur un pelouse, c'est pas très très grave. C'est aussi le fait que ça a arrêté le match et que ça ait pris la grande ampleur que ça a pris, quoi. Bah oui, j'ai gâché un peu une fête parce que c'était une grande fête, la rencontre contre l'Algérie. À gauche également, les événements du Stade de France mettent mal à l'aise. D'abord, le gouvernement socialiste est accusé de laxisme par la droite qui ressort son ancienne favorite. « Nous n'avons pas joué un match de foot », accuse le joueur Franck Leboeuf. « On a fait un match politique pour des gens qui ont envie de se la raconter ». Mais ce qui semble gêner le gouvernement, ce ne sont pas tant les accusations de récupération politique que la prise de conscience que ce match entraîne. Et si la jubilation black-blanc-beurre de 98 n'était en fait qu'un mirage ? Et si les sifflets contre la Marseillaise, c'était le cri exutoire des Français pas tout à fait français, ceux qui subissent des discriminations, du chômage et le racisme. En d'autres termes, et si l'intégration était imparfaite? Mais pour une partie des Français, ceci n'explique pas cela. Et siffler la Marseillaise est inadmissible. Alors que la présidentielle se prépare, certains interrogent le patriotisme et le désir d'intégration des Français issus de l'immigration. Et dans les meetings de la droite, on n'hésite pas à rappeler pour cela le souvenir du match France-Algérie. Ici, la Marseillaise, on ne la siffle pas, on la chante. Aux un cadre du RPR le 22 janvier 2002 à Maison Alfort, en meeting. Quant à Jean-Marie Le Pen, qui avait quelque peu délaissé la question de l'immigration après la Coupe du Monde 98, il s'apprête à en faire l'un des slogans d'une campagne qui le mènera jusqu'au second tour de la présidentielle dans un climat médiatique anxiogène, arc-bouté sur la question de l'insécurité. Mais les Français, dans leur grande majorité, ne veulent pas du Front National. Dans l'entre-deux-tours, on s'en souvient, des millions de personnes descendent dans la rue pour défendre les valeurs de la République, celle-là même que l'on fêtait en 98. Oui, j'ai un drapeau bleu, blanc, rouge. Ce que ça représente la France libre, qui est contre Le Pen. Dans les bras, j'ai le drapeau tricolore, qui est le drapeau de tous les Français. Mon père a été déporté à Auschwitz. Ma famille a été exterminée avec des idées communes à M. Le Pen. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est élevé. Il faut se réapproprier le drapeau bleu, blanc, rouge, qui est l'apanage de tous les Français, sans exclusion de race ni de religion, et ne pas le laisser à Le Pen. Et on est tous dans la rue, à trois générations, avec tous nos enfants, pour vraiment montrer que le fascisme et l'extrême droite ne passera pas en France. Marchons, marchons, 15 ans impurs à preuve nos sillons. Parce qu'il n'y a pas de raison que le Front National le récupère. C'est un drapeau républicain, il n'a pas à être dans les mains de gens qui véhiculent les idées néo-nazis. J'ai leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Moi, ouais, souvent dans les stades, j'ai honte de chanter la Marseillaise. Puis voilà, aujourd'hui, je suis fier de la chanter, je suis fier de la France d'aujourd'hui, mais pas celle du 21 avril. Je l'avais déjà emmené, ouais. Ben, en fait, je l'ai acheté pour le 12 juillet 98. Pour la Coupe du Monde. Ouais. Quoi, ces phalanges mercenaires terrasseraient nos nos fiers guerriers. On le dit haut et fort, vive la France. Je suis prétendeur. Je suis née en France, je suis française, je me sens française, je suis française. Et on est fiers. Allons dans de la patrie, le jour de gloire. Conçu comme un événement politique, dans le cadre d'un rapprochement diplomatique entre les deux pays, le match France-Algérie de 2001 devait être celui de la réconciliation. Une rencontre sportive, pour signifier que les blessures du passé colonial sont guéries, mais aussi peut-être pour confirmer ce que la Coupe du Monde 98 semblait incarner, l'intégration réussie des immigrés et de leurs enfants. Une charge symbolique sans doute pesante pour un simple match de foot dans un contexte international tout aussi lourd. Alors, quand éclate au Stade de France l'inconscience, ou la conscience, d'une centaine de jeunes supporters de l'Algérie, le pouvoir et l'opinion publique tombent de haut. Certes, l'envahissement du terrain est reconnu par beaucoup comme une démonstration de joie, une démonstration intense telle que le football en provoque. Mais ce sont les sifflets qui gênent. Qu'il soit l'expression politique spontanée d'un mal-être lié aux discriminations et au racisme, ou qu'il ne le soit pas, ces sifflets vont mettre les jeunes issus de l'immigration sur le devant de la scène politique et médiatique. Et tandis que la France s'engage avec les États-Unis dans une guerre contre le terrorisme islamiste, le match France-Algérie va participer à orienter les regards vers des thématiques qui deviendront, au fil des années, des leitmotivs électoraux au risque de confusion dangereuse. Je m'appelle Slimane et j'ai 15 ans, je vis chez mes vieux à la Courneuve. J'ai mon CAP délinquant, je suis pas un nul, j'ai fait mes preuves. Dans la bande, c'est moi qui ai le plus grand, sur le bras j'ai tatoué une couleuvre. Je suis pas encore allé en tôle, paraît que c'est à cause de mon âge. Paraît d'ailleurs que c'est pas Byzance, que t'es un peu comme dans une cage. Parce que ici tu crois que c'est drôle, tu crois que la rue c'est les vacances. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. Que la mort dans cette vie de merde. J'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. J'ai mis une annonce dans Libé pour me trouver une gonzesse sympa qui bosserait pour payer ma bouffe. Vu que moi le boulot pour que j'y touche, il me faudrait deux fois plus de doigts. Comme quoi tu vois, c'est pas gagné. Ce que je voudrais c'est être au chaume du, palper du blé sans rien glander. Puis comme ça je serai à la sécu, je pourrais gratos me faire remplacer. Toutes les ratiches que j'ai perdues dans des bastons qu'on mal tourné. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde. J'aime ce qui est cassé, détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. Pas de thune pour me payer de l'herbe, alors je me défonce avec ce que je peux. Le triclos, la colle à rustine, c'est vrai que des fois ça fout la gerbe. Mais pour le prix, c'est ce qu'on fait de mieux, et puis ça nettoie les narines. Le soir on rôde sur les parkings, on cherche une BM pas trop ruinée. On emprunte pour une heure ou deux, on largue la caisse à la porte dauphine. On va au pute juste pour mater, pour s'en souvenir le soir dans nos pieux. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde. J'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. Il y a un autre truc qui me branche aussi, c'est la musique avec des potes. On a fait un groupe de hard rock. On répète le soir dans une cave, sur des amplis un peu pourris, sur du matos un peu chourave. Même trouver un vieux débile qui voulait nous faire faire un disque. Ça a foiré parce que ce minable voulait pas qu'on chante en kabyle. On y a mis la tête contre une brique, que même la brique elle a eu mal. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde. J'aime ce qui est cassé, détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. Thank you. je me dis qu'à 3000 bornes de ma cité, il y a un pays que je connaîtrai sûrement jamais. Que peut-être c'est mieux, peut-être c'est tant pis, que là-bas aussi je serai étranger, que là-bas non plus je serai personne. Alors pour me sentir appartenir à un peuple, à une patrie, je porte autour de mon cou, sur mon cuir, le kéfier noir et blanc et gris. Je me suis inventé les frangins, des amis qui crèvent aussi. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde. J'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le match France-Algérie d'octobre 2001, dont nous allons parler avec notre invité Stanislas Frenkel. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes maître de conférence à la faculté des sports et de l'éducation physique de l'université d'Artois. Vous avez écrit le livre intitulé « Football des émigrés France ». Des immigrés, France-Algérie, l'histoire en partage, publié cette année aux éditions Artois Presse Université. Vous êtes le créateur de la première chaîne YouTube d'histoire du sport, c'est une bonne idée ça, qui s'appelle Temps de Sport, et Temps avec un jeu de mots, T-E-M-P-S. Alors, je voudrais d'abord moi, apporter un témoignage, si vous me permettez, Stanislas Frenkel, c'est que c'est le hasard, mais j'ai assisté à ce match parce que ma fille est entrée sur le stade en tenant la main de Franck Leboeuf. Voilà, et je peux témoigner qu'il n'y a pas eu de violence, que la violence, la seule violence, elle a été contre le drapeau français. Voilà, donc de la désobéissance civique, civile, certes, mais pas de violence. En tout cas, le football, c'est un sujet pour les historiens, ça peut être un sujet politique également, on dit souvent, et vous serez d'accord avec ça, j'imagine, que les enjeux du football dépassent les enjeux du sport. On est d'accord ? Ah, tout à fait. Avant tout, je voudrais aussi, moi aussi, vous remercier pour la qualité de votre récit. C'était passionnant aussi de l'écouter, vraiment, sincèrement. Alors, effectivement, le football, le sport en général, moi, je le perçois aussi comme la revanche des dominés, puisque chacun peut y faire triompher une cause, que ce soit les homosexuels, les femmes, les immigrés, les anciens colonisés, les colonisés. Aussi, le football a des enjeux politiques, sociaux, culturels, économiques très forts, et notamment lorsque des équipes nationales joue, puisque les équipes nationales sont les principaux vecteurs de construction imaginaire d'une communauté nationale. C'est pour ça qu'on a tant besoin de championnats d'Europe, de championnats du monde. C'est les seuls moments où les hymnes nationaux sont joués sont bien lors de ces compétitions ou lors de ces matchs amicaux. Et donc, le football, c'est bien plus qu'un jeu. Et moi, j'ai coutume de dire que je m'intéresse davantage, d'ailleurs, aux joueurs qu'aux jeux. Et les enjeux sont immenses. Raconter cette histoire passerelle entre la France et l'Algérie, c'est passionnant puisqu'on parle à la fois de colonisation, de guerre d'Algérie, de décolonisation, d'immigration, de désindustrialisation également, et de professionnalisation du sport. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a passionné pendant plus d'une quinzaine d'années. Bah, l'histoire de l'équipe du FLN, notamment. Tout à fait. Dans le chapitre 4 de mon travail, j'ai eu la chance de retrouver la quasi-intégralité des survivants de l'équipe du FLN en France et en Algérie. Enfin, si vous voulez, on pourra en reparler, mais cette équipe on pourra faire une affaire sensible là-dessus. C'est un des plus célèbres exemples de politisation du sport. Mais oui. Quand vous voulez pour un autre affaire sensible à ce sujet. Mais bien sûr, c'est un vrai sujet. Bon. Ah, bien sûr. Voilà. Moi, j'ai rencontré, donc je vous l'ai dit, ces joueurs. C'est une histoire de l'ambivalence aussi pour ces joueurs dont la moitié étaient mariés à des Françaises et qui ont porté le maillot algérien depuis 1958, à partir de 58, 4 ans avant la naissance finalement de l'Algérie algérienne. Ouais. Alors, le match France-Algérie de 2001, c'est notamment le gouvernement socialiste qui l'a voulu. Enfin, disons que les autorités françaises ont encouragé cette rencontre. Bah, au départ, c'était une bonne idée, non ? Tout à fait, tout à fait. Un vent depuis le retour de Bouteflika, enfin l'arrivée de Bouteflika en 99 au pouvoir, un vent de renouveau souffle sur les relations franco-algériennes et il faut relancer cette coopération. Vous en avez bien parlé dans votre récit, à l'idée, voilà, Marie-Georges Buffet, Claude Simonet et aussi, il ne faut pas l'oublier, le directeur technique national, Aimé Jacquet, qui lui, mieux que personne, sait à quel point Rachid Mekloufi, son ancien équipier de Saint-Etienne, a fait pour le football français. Ben, tout cela pousse pour la création de ce match, et l'idée aussi c'est de préparer d'aider l'Algérie à créer une forme de Clairefontaine algérien. Est-ce que vous pensez que les réactions en France, beaucoup d'indignation après ce match, ont constitué un effet de loupe ? un effet de loupe exceptionnel, puisque c'était un vous l'avez dit, des millions de téléspectateurs aussi, un match de football dans un contexte très particulier, qui est celui d'une campagne présidentielle très axée sur la sécurité, qui est celui des attentats de, voilà, on est trois semaines après les attentats du 11 septembre, ah oui, mais aussi côté algérien, après, des émeutes sanglantes en Kabylie, 130 morts, 5000 blessés en avril 2001, lors du printemps noir. Et donc, effectivement, c'est un match qui est très particulier. La fête est gâchée, la réconciliation impossible, l'impossibilité d'une normalisation de relations entre deux pays qui s'aiment et qui se déchirent tant. Mais côté français, évidemment, avec toute cette récupération politique, tous ces discours politiques qui se sont additionnés sur la question sur le match, en fait, eh bien ça a fait monter les tensions, ça a réveillé une xénophobie et aussi, vous l'avez bien dit, une islamophobie, voilà, qui était déjà sous-jacente très forte. Et comment a-t-on réagi de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, on le sait? Alors oui, on le sait, parce que ça, j'ai beaucoup étudié la presse algérienne aussi, entre indignation et colère. À la fois indignation, parce que les messages qui ressortent, c'est un problème franco-français. Depuis l'Algérie, on se dit, mais ça nous regarde pas. Et encore une fois, notre pays, notre réputation est salie et abîmée. Donc c'est de la colère, mais c'est aussi de l'indulgence, parce que tous ces Algérois, tous ces Algériens d'Algérie, savent ce que vivent concrètement la plupart de leurs cousins, de leurs amis en France, qui sont nés parfois là-bas, avec cette idée qu'ils n'ont peut-être pas tous accès aux mêmes chances pour l'accès au travail, au logement, aux loisirs. Et donc, ils savent qu'il y a des discriminations qui ne sont pas affichées, qui sont souterraines, mais qui travaillent durablement la société française depuis les débuts de l'immigration algérienne en France, depuis les années 30. Alors, vous avez entendu, ça ne vous a pas échappé, qu'on a choisi la chanson sublime de Renaud, deuxième génération, qui a été composée en 1983, donc bien longtemps avant cette affaire de France-Algérie au Stade de France. Je rappelle les paroles de la dernière, des derniers couplets. Des fois, je me dis qu'à 3000 bornes de ma cité, il y a un pays que je connaîtrai sûrement jamais, que peut-être c'est mieux, peut-être c'est tant pis, que là-bas aussi, je serai étranger, que là-bas non plus, je serai personne. Et je continue mon témoignage. Derrière moi, dans les tribunes, il y avait des jeunes, donc de cette deuxième génération, j'imagine, des Français d'origine maghrébine, qui, pendant l'hymne algérien, avaient la main sur le cœur. Voilà. Et je trouve que les paroles de Renaud sont absolument extraordinaires, parce que c'est aussi ce qu'on a vécu au Stade de France. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je partage tout à fait votre avis. Cette chanson Seconde Génération de Renaud, en fait, je l'ai écoutée en boucle pendant des mois. Et effectivement, c'est tout à fait ça, cette mythification du pays d'origine, cette mythification du pays des racines, finalement, des racines familiales. Mais ce qui est très intéressant, à la lumière aussi des travaux du sociologue algérien Abdelmalek Sayad, c'est cette double absence, cette double domination, ce sentiment d'être à la fois dominé en France, mais aussi dominé en Algérie, puisque c'est les jeunes dont vous me parlez ont été en Algérie souvent pendant l'été, les séjours estivaux avec leurs parents. Et là-bas aussi, on leur a dit, vous êtes des immigrés. Alors quand ils sifflent la Marseillaise, c'est certes, on en a parlé, un message envoyé à la France, reconnaissez-nous, aimez-nous. Mais c'est aussi, et ça c'est très important, un message envoyé à l'Algérie. Nous sommes aussi des Algériens. Ne nous méprisez pas. Nous voulons compter. Et je trouve que ça, c'est vraiment très important. C'est pour ça que cette histoire du football algérien, ou de cette histoire de ces footballeurs algériens en France, c'est une histoire de l'ambivalence, c'est une histoire passerelle, c'est une histoire de ce partage également entre le pays où l'on vit, le pays où l'on a grandi, le pays également mythifié. Ouais. Alors, siffler un hymne national, est-ce que ça arrive souvent en foot? Je dis, siffler son propre hymne, ça ne doit jamais arriver. Bah, il me semble que c'est arrivé lors de la finale de la Coupe de France 2002 entre Lorient et Bastia, devant Jacques Chirac. Ah bon? Ça arrive aussi. Alors, siffler son propre hymne, il faudrait vraiment faire prendre du recul dans une perspective un peu internationale. Là, j'ai pas trop d'idées, mais par contre, il y a eu d'autres fois où l'hymne national français a été sifflé, notamment lors de France-Maroc et France-Tunisie en 2007 et 2008, lors de Turquie-France en 2019, oui, lors de Italie-France également en 2008, lors de l'Euro 2008. Donc ça peut arriver, puisqu'en fait le stade finalement le stade, c'est le seul lieu où l'hymne national est joué, en fait. Aujourd'hui, on n'a plus du tout l'occasion de jouer les hymnes nationaux. C'est dans les meetings politiques. La portée symbolique très forte, finalement, de ce geste. Si, on la joue dans les meetings politiques, à la fin. On la joue dans les meetings politiques, mais qui sont peu médiatisés en direct, qui sont quand même de moins en moins fréquentés, sauf par les militants. Et donc là, c'est une vitrine. La vitrine sportive est exceptionnelle. Alors, parlons de ce concept Black Blanc Beurre. Donc, il était effectivement juste après la finale. C'était plutôt un message d'espoir. Et puis, vous l'avez dit, quand une équipe nationale gagne une Coupe du Monde ou un Euro, et même une Coupe du Monde, on a vu des points de PIB augmentés après complètement fou. Enfin, c'est provisoire, mais ça crée quelque chose. Donc, Black Blanc Beurre, bah, c'était une mystification finalement. Qu'est-ce que c'est ? C'était une mystification totale. C'était une forme d'utopie républicaine rapidement devenue une utopie publicitaire. À savoir que on serait tous égaux et que la France pourrait s'enrichir de manière homogène de tous ses citoyens d'origines différentes et serait surtout fière pour la première fois de son passé colonial. Et on voit bien qu'en fait très vite des failles apparaissent. On sait que Christian Carambeu très vite refuse de chanter la Marseillaise quand il explique qu'en 1931 son grand-père a été exhibé dans les eaux coloniaux. On voit bien sûr le match France-Algérie là qui marque très clairement la fin du mythe de la France Black Blanc Beurre. Et puis aussi des joueurs à qui l'on reproche de plus en plus, comme De Sailly notamment et d'autres, leur individualisme, c'est-à-dire que Black Blanc Beurre finalement, enfin l'intégration par le sport, c'est l'intégration d'individus, de sportifs d'élite, mais c'est une intégration qui reste de façade. Donc en fait, elle ne concerne pas, en fait, elle est détachée finalement du quotidien de la majorité des citoyens. Mais il est réel, c'est une vitrine quoi. Une vitrine, tout à fait, une vitrine aussi publicitaire. Alors, Michel Platini, par exemple, ne chantait pas la Marseillaise parce que il l'a dit il n'y a pas longtemps encore dans une interview, les paroles trop guerrières. Bon, ça me regarde. Quand on est un joueur issu de l'immigration maghrébine en France, est-ce qu'on est contraint plus que les autres de prouver son patriotisme ? Ah, c'est une très bonne question que vous posez, parce qu'en fait, depuis les années 30, tous les joueurs, notamment dans les années 30, il y a eu des joueurs qui ont joué en équipe de France, donc qui étaient naturalisés. Eux aussi, on leur suspectait de pas être assez français. Je pense à Matler, je pense à Nicolas également. Et on voit aussi que dans les années 50, dans les années 30, les Italiens, les Polonais qui ont fait la grandeur de l'équipe de France, eux aussi devaient en faire deux fois plus. Et là, je reviens sur Abdelmalek Sayad, le sociologue algérien, qui nous dit l'immigré est une force de travail révocable à tout moment. Bah, dans le sport, c'est pareil. Un immigré doit toujours en permanence montrer patte blanche, doit faire bonne figure, doit se fondre dans un moule. Et c'est exactement ça ce qu'on demande aux joueurs étrangers, aux joueurs français d'origine étrangère. Et on le voit d'autant plus avec les joueurs issus de l'ex-empire colonial. Puisqu'il y a tout un poids, il y a le poids des stigmates, le poids de la colonisation qui s'abat sur eux. Et alors avec les joueurs maghrébins, on a encore plus ça, puisqu'ils réveillent un imaginaire colonial, notamment sur les joueurs algériens, avec l'imaginaire colonial que l'on trouvait dans les affiches, dans les films, où l'Algérien était souvent le fourbe, celui qui trahit. Et si on ajoute à cela la question religieuse, qui monte en puissance, et qu'on voit d'ailleurs à la fin des dernières paroles de Renaud, de la chanson Seconde Génération, eh bien... Effectivement, la question religieuse, et là on voit toujours la suspicion de la trahison. La suspicion de la trahison, c'est un thème qui est récurrent. Et vous avez vu, à chaque fois, on a toujours guetté Benzema, est-ce qu'il chante la Marseillaise ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et voilà, et c'est pas le premier. C'est vrai qu'il était guetté, oui, absolument. Ouais. On va conclure parce que c'est... On a bien compris votre argumentation, c'est vraiment à la fin de l'émission. Je rappelle simplement que les trois plus grands joueurs de l'histoire du football français sont tous issus de l'immigration. Coppa, immigration polonaise, Platini, immigration italienne, Zidane, immigration algérienne. Voilà. Ouais, effectivement, donc bon. Années 50, années 70, 80, voilà, en fait, et années 2000, c'est très clair. Très bien, Stanislas Frenkel, merci beaucoup, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le match France-Algérie d'octobre 2001, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. La technique aujourd'hui, il y avait Tristan Gratalon.